combat contre les ennemis du Cameroun. Manuel Assiké, vous ne comprenez rien à la politique si vous mettez de côté la géopolitique. Les Occidentaux ont créé une affaire qu'on appelle la géopolitique du chaos, que nous avons expliqué ici suffisamment, et qui est à l'œuvre partout dans le monde, où on veut faire croire aux gens qu'on peut faire la guerre et respecter les droits de l'homme. C'est la guerre qu'il ne faut pas faire. Or, eux, ils créent les guerres partout. Le droit humanitaire international, comme ils disent, a été conçu pour les guerres conventionnelles. Qui peut nier ça ici? Est-ce que la guerre qui est là-bas, ces guerres-là sont des guerres conventionnelles? Le droit humanitaire international a été conçu pour les guerres conventionnelles. Ou des États qui s'affrontaient pouvaient être, entre guillemets, civilisés, contrôlés, des accords de convention. Mais quand la guerre devient asymétrique, vous venez faire quoi là? Vous venez imposer le droit humanitaire sur une affaire sur laquelle il n'est pas concerné. Il faut penser à notre droit. Si vous admettez que les guerres asymétriques doivent entrer dans la légalité internationale, c'est de cela qu'il s'agit. Donc moi, j'apporte tout mon soutien à l'armée du Cameroun. Oui. Je ne suis pas de ceux qui... Je n'entre pas dans ce jeu consistant à témoigner matin, midi, soir, mon amour pour ces deux régions. J'aime le Cameroun, ça suffit. Dans le Cameroun, ils sont là. Notre projet, c'est le projet de Wandé, de Moumié, de Douala Mangabène, tous ces patriotes qui ont pensé que nous sommes des frères et des sœurs et que nous avons un destin commun. C'était le projet de ces gens-là. Ils sont morts pour ça. C'était le projet de Ndé Toumaza. C'était le projet d'Albert Moukon, ancien UPCiste. Et les autres. D'où vient-il aujourd'hui qu'on se retrouve en train de faire des guerres entre nous sur la base d'une bipartition linguistique qui n'a pas de sens? Je n'entrerai jamais dans ce jeu. Nos positions sont claires et c'est maintenu. Donc, Mme Manuela Assiké, tout à l'heure, je disais une chose qui était claire, je terminerai par là. Rassurez-vous, je ne vais pas être long. Qui a brûlé la maison d'Abobala, du père d'Abobala? C'est la mère camerounaise. Abobala, qui a brûlé la maison de son père? C'était en représailles parce qu'on disait que tu es modéré. Il fallait qu'on le corrige. Est-ce qu'on peut accepter ça? C'est une figure emblématique de l'affaire. Tout à fait. Je pense seulement son cas. Beaucoup de temps ont subi ça. Beaucoup de temps ont subi ça. Si vous n'êtes pas la démocratie, démocratisez à partir dans vos comportements de tous les jours. Vous ne faites pas ce que vous reprochez à l'autre. Donc, je suis d'accord avec mon ami Awana, quand il parle de ce monsieur, je n'aime pas parler de son nom, mais on va être obligé de le citer, Christophe Fomounio, directeur NDI Afrique. C'est la crise gabonaise. C'est lui qui était au cœur. Il y avait un projet parrainé par Hillary Clinton qui était de démocratiser l'Afrique centrale, c'est ce qu'il disait. À savoir dégager le président Idi Déby, dégager Ali Bongo et dégager enfin l'homme qui dérange le plus, le président Biya. C'était le projet que M. Fumonyo et son NDI portaient. Nous lui avons dit ça ne passera pas. Tu vas échouer au Gabon, il a échoué. Je pense qu'il a tiré la leçon. Donc pour dire comment nous, quand nous disons ici que les forces là seront écrasées, moi je ne crois pas à la violence, je dois être clair. Je crois aux forces de l'esprit. Moi je crois profondément à la justice divine. Et je connais le destin de mon pays, le Cameroun. Je connais sa vocation. Je crois à mon pays. Comme les Américains disent tous les jours que l'Amérique a un destin universel. L'Amérique est le phare du monde. La France dit que la France est un pays universaliste. J'ai le droit de rêver pour mon pays, de croire à mon pays. Je dis donc que toutes ces forces-là qui comprennent contre le Cameroun, l'Angleterre, les USA, le Canada, l'Afrique du Sud, qui rêvent debout, seront écrasées par la puissance de l'esprit. Le Cameroun ne tombera pas. C'est notre conviction et nous travaillons pour ça. Merci, président Banakané. Merci. Alors...